Je n'ai pas besoin du gaz qui fait rire, car moi je suis toujours en train de rire. On peut me trouver l'air méchant, mais au fond de moi, je suis comme une enfant. Je souris. Peut-être que vos enfants ne rient pas, mais ils n'ont pas besoin du gaz qui fait rire. Il suffirait de leur dire que les temps ont changé. Il faudrait alors entendre un beau rire nouveau. Commence à s'écouler deux époques en parallèle. Moi, je suis dans le courant moderne. Lui, dans l'ancien régime. Il semble y tenir. Se séparer ainsi, comme c'est de notre temps.